pour moi. Je te tais, je t'agresse, je te caresse. Je cerne tes limites sans finesse. Mais quand tu te donnes à moi, j'ai l'impression de trop savoir sur toi. C'est bien sincère et ouvert, je t'en prie.